Peace. Thank you.

d'amor, d'amor. On fait silence, à que se passe-t-il? Une crise s'élançant, une crise s'élançant, le tronçon s'élance en bondissant, hors du gorille. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picado. Oh, oh, oh, oh, il règne la foule, le tronçon, il vient, il vient, il frappe encore. En ce coin, s'avance rigne, plein de fureur, il court, le cirque plein de sang. On franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons, allons. Torrillador, en garde, torrillador, torrillador. Et songe à bien lui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, torrillador, l'amour, l'amour t'attend. Thank you. Voisine chaude.